frais, maxima de 17 à 21 ou 22 degrés. Quelles que soient les prévisions, les températures sont toujours agréables avec Engie Electrabel. La première. Il est 16h. Votre journal, Marie-Ben Kutsem, bonjour. Bonjour à tous. L'histoire se répète, des orages, des pluies torrentielles et des dégâts. Les communes de Welkenrath, Soumagne, Liège, Dizon sont touchées, mais aussi Dolin, c'est dans l'entité de Limbourg, à l'est de Verviers. François Brébant, vous êtes sur place, qu'est-ce que vous constatez ? Alors ici, je me trouve rue Moulin en Ruif à Dolin. Alors ce que je vois autour de moi, eh bien, ce sont des gens qui sont en train de sortir des affaires qui ont été abîmées par les eaux. Voilà. Alors ce qui s'est passé sur le coup de 13h ici, c'est un gros orage avec des grêlons, un orage qui a duré trois quarts d'heure. L'eau est descendue de la colline de Bilstein, qui se trouve au-dessus de l'endroit où je me trouve. Il y a eu une quarantaine de centimètres d'eau dans cette rue en pente qui s'est transformée en torrent, me disent les habitants. La même chose s'est passée de l'autre côté de Dolin, sous Adrimont. Là aussi, les rues se sont transformées en torrents qui ont charrié des pierres. Alors, quand on entre dans la ville de Dolin, on est bloqué par les pompiers, bloqué par la police. La bourgmestre a redéclenché le plan communal d'urgence. C'est une malchance, dit-elle, puisqu'il y a eu un orage hier ici qui a déjà fait des dégâts. Les habitants avaient presque terminé de tout renettoyer. Eh bien, ils vont devoir recommencer. Ils ont dû recommencer. Hier, ici, il y avait environ 60 sinistrés. D'après la bourgmestre, aujourd'hui, il y en aura plus de 100. Merci beaucoup François, en direct de Dolin, donc dans l'entité de Limbourg. On apprend aussi d'ailleurs que la circulation des trains est interrompue entre Mons et Quévy à cause de la pluie. Des bus ont été mis en place. Opération de nettoyage en cours à Saint-Georges-sur-Meuse sur les lieux de l'accident de train de dimanche soir. Il faut encore évacuer deux des trois wagons sinistrés. Ils ont pu être remis sur les rails, des tests sont en cours. Les rails qui ont subi de sérieux dégâts aussi. Infrabel commencera les réparations dès que le parquet aura donné son feu vert. Il faudra sans doute attendre plusieurs jours encore avant une reprise du trafic. Ce matin, la boîte noire du train passager a été extraite et envoyée pour analyse. Peut-être révélera-t-elle des éléments qui permettront de mieux comprendre les circonstances de l'accident. Notez aussi qu'un registre de condoléances a été ouvert à la maison communale. On se mobilise un peu partout, on proteste. Ce matin, les magistrats ont manifesté devant les palais de justice du pays. Ils ont retardé le début des auditions. L'objectif, il est clair et récurrent, dénoncer le manque de moyens de la justice et les mesures d'économie sur la table du gouvernement aussi. On pointe également plusieurs actions en cours dans la région de Mons-Borinage. Les écoles du réseau officiel sont à l'arrêt pour deux jours. Les enseignants protestent contre les différentes réformes qui touchent à la fonction publique. Grève aussi, et jusque vendredi cette fois, des éboueurs d'IGA dans la région. Et puis enfin, demain, ce sont les pompiers qui manifesteront à Namur. Ils ne sont pas satisfaits des changements concernant les zones de secours. C'est le dernier Super Tuesday des primaires américaines. On vote dans 6 États aujourd'hui, dont la Californie. Un vote sans grand suspense, selon la presse américaine, car Hillary Clinton serait déjà assurée de l'emporter sur Bernie Sanders. Elle a déjà la majorité absolue des délégués nécessaires pour l'investiture démocrate. Bernie Sanders, lui, n'est pas d'accord. À Washington, la correspondance de Frédéric Carbone pour France Info. Le 7 juin 2008, Hillary Clinton reconnaissait sa défaite face à Barack Obama. 8 ans après, jour pour jour, les calculs de la presse américaine la donnent donc vainqueur de la primaire démocrate. C'est le résultat d'un vote et de beaucoup de coups de téléphone, le vote à Porto Rico le week-end dernier et les coups de téléphone aux désormais fameux super-délégués, ceux qui ne sont pas désignés dans les primaires, les cadres du parti, qui représentent 15% des votants à la convention et qui se rangent de plus en plus massivement derrière la favorite. Une forme de vote utile pour lancer enfin la bataille face à Donald Trump. D'après l'agence AP, il y a eu un vrai mouvement ces jours derniers et Hillary Clinton peut compter sur les 2383 voix nécessaires à sa désignation. Bernie Sanders est évidemment furieux, il accuse les médias de précipitation et il rappelle que les super-délégués ne se prononcent officiellement qu'à la convention et qu'ils peuvent donc changer d'avis. Sauf que cela ne s'est pas produit depuis le début de la campagne et que Barack Obama pourrait ajouter bientôt sa voix. Jamais Bernie Sanders n'aura été aussi isolé. Et enfin, un attentat de plus a secoué Istanbul ce matin. Une explosion via une voiture piégée qui a fait 11 morts et 36 blessés. L'attaque visait la police et il y a 7 policiers parmi les victimes. On apprend à l'instant que 4 suspects viennent d'être arrêtés. 16h04, merci d'être avec nous. Toute l'info est sur rtbf.be. Et c'est presque sérieux avec vous, Walid, et toute votre joyeuse équipe. Effectivement, Marie, retour de l'information tout à l'heure à 16h30. D'ici là, oui, nous sommes presque sérieux. C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. Mohamed, alité depuis une bonne semaine, a rangé son inséparable costume de héros. Malgré des années de rounds gagnés contre la maladie, cette dernière l'a finalement mis KO. Lui que personne n'a jamais fait trembler à Parkinson. À vendre, congélateur, $30, cadavre inclus. Oui, ça c'est Est-ce que c'est vrai qu'à 50 ans, on reconnaît plus les lettres de près, mais on reconnaît les cons de loin? Et vous préférez la Sophie de maintenant ou la Sophie d'avant? Non, parce que c'est celle que vous avez en face de vous. En arrêtant de chanter, vous avez fait plus pour l'humanité que Jésus, Gandhi, Neil Armstrong et Jean-Claude Pénicilline réunis. Uniquement en arrêtant de chanter. Jouons avec quelqu'un que nous allons voir au téléphone. Au pire des cas, on va lui offrir le bouquin si vous parvenez à... Au pire des cas, Je peux vous en coller une. Oui, c'est bienveillance, mais pas politesse. Dès que ça sort de la machine à laver, on sèche. Super sexy, votre vie est très intéressante. Je plie, je mets ça. Mais c'est comme votre bouquin. Ouais, c'est pas gentil. Non, mec, c'est vous qui avez commencé. C'est Banque Suisse, c'est d'ailleurs, avec la RTBF, les seuls endroits où tout le monde vous appelle par votre prénom, Monsieur Walid. Ouais. Encore un petit versement, Monsieur Walid. Ah, je vois que les audiences ont été bonnes. C'est bien simple, vous êtes aussi célèbre et chéri dans l'agence HSBC de Zurich que Dominique Strauss-Kahn à la Banque du Sperme de Washington. La première. 16h-17h30. Ne prenez pas la grosse tête. Restez presque sérieux. Avec Walid. Vous avez peut-être vu sur notre page Facebook la vidéo de ces 3 policiers qui sont dans une barque pour porter secours aux gens victimes des inondations dans la région parisienne. Armés de pelles pour pagayer, ils finissent tous à l'eau. Du coup, des rôles dans des séries policières affluent. Hein. On leur propose de jouer notamment dans la suite de Julie Lescaut. Lescaut, normal, bah oui. Ou alors de Diane Femme Flac, ça marche aussi. Ou alors de faire des apparitions dans Zodiac. Ah ouais, là, dans Zodiac, c'est clair. Ou alors dans les Brigades du Tibre. C'est pas mal ça aussi. Ouais. En tout cas, eux sont bien au sec parce qu'ils préfèrent mettre les pieds dans le plat plutôt que dans l'eau. Jusqu'à 17h30, ils feront barrage au déferlement de Betty sans pour autant faire dans la retenue. Voici votre équipe de sauveteurs du jour. Elle est parfois un peu crue, mais on lui pardonne parce qu'elle déborde de talent. C'est Catherine Ronvaux, bonjour. Bonjour Walid. Une voix qui nous fait tous chavirer, c'est Cynthia Ezarelli. Bonjour Cynthia. Bonjour Walid. Avec toutes ces inondations, il pourra enfin mettre de l'eau dans son vin. C'est Edgar Schotz. Bonjour Edgar. Bonjour Walid. Il est le dernier rempart qui nous protège face à la montée des Ox. C'est Vincent Flibustier, bonjour. Bonjour Walid. Un déluge de talent, un flot incessant de bons mots. Notre patriarche de Noé, c'est lui, c'est Raoul Reyers, bonjour. Je n'ai toujours pas compris votre blague avec la femme flac. Vous connaissez pas Diane Femme Flic. Il comprend mal. Ah voilà. Il connaît mal. Il pensait à Femme Fontaine. Oui, oui. Raoul Reyers. Brigitte, tu veux dire. Lui, c'est notre petite bouée de secours quand on est submergé par le travail. Il a préparé cette émission pour vous, c'est Clément Delpoux. Et il surveille pour nous la hausse et la baisse des niveaux. C'est Vincent Van Der Venne à la réalisation, vous l'avez compris. L'actualité, ce sont eux qui la font et c'est nous qui en rayons. Merci à vous d'être comme nos chroniqueurs du jour, presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. Une heure et demie d'impertinence sur la première, une heure et demie d'actualité, ou presque, avec de l'info revue et corrigée par nos beaux esprits au programme et au menu de cette heure et demie sur la première. Et bien, on parlera de sport, de mouvement, de protestation parmi la magistrature. Hein, ils sont dans la rue, ça y est. Et puis, le blues de Chris Peters, on en parlera tout à l'heure également. Et des cadeaux que nous allons vous offrir. N'hésitez pas à venir participer avec nous au Qui a dit, une phrase extraite d'un quotidien, phrase du jour. Je ne peux pas tout faire en même temps. Qui aurait pu prononcer cette phrase? À vous de le déterminer, à vous de tenter votre chance parmi les propositions qu'on vous fera d'ailleurs. Donc vous avez une chance sur 5 de pouvoir avoir la bonne réponse et de repartir notamment avec ce jeu que nous vous offrons aujourd'hui aux éditions Repos Productions More Cash More Guns. Ah, c'est la suite. Bien. C'est la suite. Ouais, Cash and Guns. Ouais, c'est la suite de Cash and Guns. C'est More c'est Cash. C'est comme Too Fast, Too Furious. Ouais, c'est la suite. Et vous n'offrez plus le livre de Sophie Favier? Pardon? Vous n'offrez plus le livre de Sophie Favier? Si, je peux l'offrir. Ah, bah, pourquoi vous dites ça? C'est pas très bien passé. Si on perd, oui. Passé un chouette moment. On m'a dit des choses. On vous a dit quoi? Qui vous a dit? Allez-y, dites. Hors antenne, oui. Non, mais dites-moi, mais non, partage-toi avec les auditeurs. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Bon, je sais pas. Voilà, vous avez fait votre Sophie Favier. Bon, des cadeaux donc à gagner. Vous envoyez CPS au 6031, 75 centimes le message pour le qui a dit du jour. Et la une du jour, quelle est-elle? Eh bien, vous de la découvrir. Et la voici d'ailleurs. Deux extraits musicaux pour deux informations que nous mettons en lumière aujourd'hui. Écoutez attentivement ce qui suit. Da da da. Da da da. Da da da. Ah, mon hymne. Ah oui. Beck avec Loser et Trio avec Da da da. Et c'est avec Trio que nous entamons cette émission. C'est parti. Da, da, da. On donne la bonne Poutine. Réponse tout de suite. Ah, on peut profiter du morceau si vous voulez. Bah ah, non, c'est bon, ça. Non, c'est pas Vladimir, c'est Mark. C'est Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, oui, effectivement. Il s'est fait pirater. Eh oui. C'est le, comble. Heures, voilà. C'est le comble d'ailleurs hein, pour un géant du web. Mark Zuckerberg s'est fait hacker ses comptes Twitter et Pinterest. Il y a pire, hein, il n'a pas suivi les deux règles plus élémentaires, Mark, hein, les règles élémentaires de la sécurité informatique. Changer de mot de passe régulièrement et ne pas utiliser le même mot de passe pour tous ses comptes. Il a tout simplement conservé donc dadada pour son compte Twitter. Voilà, dadada. Fabuleux. Alors ça il fallait y penser, hein, dadada. Mark Zuckerberg, ouais, c'est énorme ça. En tout cas, au-dessus des lois d'internet. Il s'est fait pirater. C'était le cas aussi il y a 4 ans. Il s'était déjà fait pirater. Mais il y a 4 ans sur LinkedIn. Si malin. Il est pas si doué que ça finalement. Donc voilà. Il faut dire qu'à sa décharge, il avait vraiment créé son compte Twitter que pour l'utiliser 10-12 fois. Il a jamais utilisé. C'est vrai qu'en 4 ans. Il y avait 19 tweets en quasiment 10 ans qu'il avait le compte. Donc, oui, mais enfin, bon, quand on s'appelle Mark Zuckerberg et qu'on a un compte Twitter, on y fait gaffe quand même. Oui, mais bon, voilà. Ça aurait été pire si ça avait été son compte Facebook. Oui, mais et quoi, on a fait un tweet à sa place ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, oui, ils ont envoyé un tweet. Salut Marc, on est en train de tester ton compte, lol, un truc du style. Voilà. ça va encore. Ouais, oui, c'était des gentils. Tiens, en parlant de Twitter, à quoi la limitation des tweets à 140 caractères est-elle liée? C'était le SMS. Même nombre. Au SMS, effectivement. Tous les utilisateurs de Twitter ne savent peut-être pas que la limitation de tweet à 140 caractères maximum est étroitement liée au SMS. À sa création en 2006, Twitter s'appuyait beaucoup sur les SMS. Et ceux-ci sont limités à 160 caractères selon les standards internationaux. Il fallait donc savoir avoir en tout cas moins de 160 caractères en incluant aussi les pseudos, d'où le choix de 140 pour le seul texte. Nouvelle info, nouvel extrait. Écoutons attentivement ce morceau. C'est Beck et Loser. Alors, à votre avis, est-ce que vous avez lu une info? On parle d'un loser en Belgique. On parle de loser. Ah, c'est la loterie nationale qui est... Non, c'est la loterie nationale qui attaque le Parti Socialiste parce qu'ils ont fait un faux biais à gratter Lose for Life. Effectivement. Pour critiquer le gouvernement. Le patron de la loterie, le socialiste flamand Jan Eyck, ne digère pas la toute récente campagne marketing du PS contre le gouvernement fédéral. Une campagne du PS qui détournait un produit bien connu de la loterie, le jeu Win for Life, un billet à gratter qui permet donc de gagner une somme d'argent chaque mois, hein. 500, 2000, 3000 ou 5000 euros et ce pour le reste de sa vie. Eh bien, ils l'ont détourné, cette campagne, le PS, en Loser for Life, un jeu destiné à expliquer aux Belges ce qu'ils allaient perdre. Et en grattant le ticket Lose for Life, eh bien, les décisions jugées antisociales du gouvernement fédéral apparaissent. Saut d'index sur les salaires, hausse de la TVA sur l'électricité, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc, ça n'a pas plu au patron de la loterie nationale, ça. Hein. Donc, on qui est socialiste, la... Et socialiste. C'est l'ancien chef de cabinet de Van de Lanotte. Et en parlant de loterie, de jeux de hasard, qu'énonce l'article 11 de la loi relative aux jeux de hasard à Monaco, à votre avis? On peut pas se faire prendre en train de tricher, c'est pas une histoire comme ça? Non, c'est pas ça, non. L'âge? Non, c'est pas l'âge. Le montant non plus. C'est un côté discriminatoire, genre ça limite. C'est discriminatoire pour une certaine catégorie de personnes. Qu'on peut pas, il faut avoir une certaine fortune pour pouvoir jouer? Non plus. On ne peut gratter qu'avec un diamant. Il y a quelqu'un autour de la table ici qui ne pourrait pas jouer à cause de ça? Non, tout le monde ici autour de la table pourrait jouer, justement. Et en Belgique, il y a des gens qui, eux, ne pourraient pas. En Belgique, il y a peut-être quelques Belges qui ne peuvent pas. Ouais. C'est des gens qui sont classés pour terrorisme? Non. Casier judiciaire? Non plus. Il y en a quelques Belges. C'est pas religieux. C'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. Ah, c'est peut-être une origine qu'on vient d'un certain pays? Non. Oui, dans un sens, oui. Avoir un passeport iranien? Non, c'est pas passeport iranien, non. Mais avoir été un spectacle de Dieudonné? Ah, le Vatican, on peut pas. Non. Le jeu de hasard à Monaco, un article 11, et cette loi parle de citoyens. Qu'est-ce que peuvent ou ne peuvent pas faire les citoyens monégasques? Pas de bras, pas de loto. Pas de bras, pas de loto. Non, les citoyens monégasques ne peuvent pas... Peuvent pas aller jouer chez eux. Non, peuvent pas... Jouer leur femme. Non jouer plus. Dans la rue. Non plus. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a un grand à Monaco. Ils ne peuvent pas ouvrir de casino ailleurs. À casino, alors qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire les citoyens monégasques? Ils ne peuvent pas aller au casino. Ils ne peuvent pas gagner au casino. Je vous promets. Les citoyens monégasques, c'est l'article 11 de cette loi relative aux jeux de hasard, relative donc aux jeux de hasard, qui annonce qu'un citoyen monégasque a l'interdiction de jouer dans un casino de la principauté. De jouer, non? Oui, de jouer et donc de fait de gagner. Oui, mais de perdre aussi. Perdre, ça, ils peuvent pas. Je pensais qu'ils juste perdre, c'était. Alors, ça remonte à l'époque où il y avait beaucoup de problèmes financiers. Donc, on le sait tous, hein, quand on crée des casinos, c'est pour renflouer les caisses. Mm-hmm. Et simplement, on demandait aux étrangers de venir, ce qui permettait de renflouer les caisses. Anecdote aussi intéressante, le chanteur Léo Ferré, son père, le père de Léo Ferré, était directeur du personnel du casino de Monaco. Allez, incroyable. Cela dit, les monégasques, c'est des cyclistes belges. Il y a énormément de gens qui ne sont pas du cru, hein, parce que c'est quand même très petit. Et voilà, l'occasion en tout cas de jouer la carte de la sécurité, puisqu'en toute logique, ce n'est pas aux monégasques de se ruiner, mais plutôt aux étrangers de venir mettre leur argent au casino et de perdre de l'argent. C'est intéressant. On apprend des choses. Voilà. C'est une bonne manière. Tiens, dans la suite, un peu de sport avec Catherine Ronvaux. On en parle dans un instant avec un championnat un peu particulier. Et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire en envoyant ces trois lettres CPS au 6031, 75 centimes le message, nom, prénom et adresse. Vous êtes dans votre voiture, vous êtes à la maison, vous êtes encore au travail. Eh bien, c'est le moment ou jamais de venir passer un chouette moment avec nous. Nous jouons avec l'actualité du jour et une phrase extraite d'un quotidien pour le qui a dit de ce mardi. Qui aurait pu dire je ne peux pas tout faire en même temps? On vous fera des propositions et vous repartirez avec un jeu. Et quel jeu? Aux éditions Repos Productions, More Cash, More Guns. Ce sera à gagner dans quelques minutes. Dans la suite, comme promis, eh bien on parle de sport avec un championnat de doigts de fer. On va te dire, allez. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt? Vous voulez pas un whisky d'abord? C'est presque sérieux sur la première. Avec Walid. Jusqu'à 17h30. L'Homme Gang, plus de 1400 figurants, groupes folkloriques, chars, chevaux feront revivre le temps de Charles Quint et notre histoire. L'Homme Gang, les 5 et 7 juillet prochains, sur la Grand Place de Bruxelles, avec en avant-spectacle une prestation musicale d'Ozark Henry. Tickets sur hommegang.be, avec la première, l'ambassade du Japon, Leonidas et la bière Homme Gang. J'ai fait du shopping aujourd'hui. Ah, moi aussi, t'as acheté quoi? Un sac à main. Regarde. Joli. Oh oui, je l'avais vu depuis longtemps et enfin je l'ai acheté. Et toi? Moi aussi, j'ai fait une bonne affaire ce week-end. Ah bon? Regarde. Oh, une Mercedes. On va faire un petit tour. Attends, je prends mon sac. Jusque fin juin chez Mercedes-Benz, profitez de conditions exceptionnelles sur les voitures de stock. Disponibles immédiatement avec 4 ans de garantie. Rendez-vous chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz ou sur mercedesoutlet.be. Offre sous conditions. Ce n'est pas le moment de traîner. Jusqu'au 12 juin, ce sont les 10 jours shopping chez Picard. Alors, panier en main, on fait le plein de produits ultra gourmands à moins 30%. Comme les mini bagels apéritifs, les noix de Saint-Jacques origine France ou le macaron aux framboises. Et on se régale. Retrouvez toutes nos adresses sur picard.be et sur la page Facebook Picard Bellux. Picard, chaque jour un goût nouveau. Qui va gagner? Ce sera une bataille endiablée ou un coup de poker. Avec un carré de roi, toutes les dames seront là. Et la foule aussi. Précipitez-vous. Cette semaine, un jeu de 52 cartes gratuit avec la DH, avec des noirs, des rouges et bien sûr, un peu de jaune. Cette semaine, un jeu de 52 cartes signé Pader, gratuit avec la DH. Qu'est-ce qui est vert, rapide et tout le temps disponible? Taxi vert colis. 02 349 46 46. À partir de 6,61€ hors TVA. La première, Mobile Info. Et à 16h18, retrouvons Pierre Collard-Bovy. Bonjour Pierre. Bonjour Aline, bonjour à toutes et tous. Alors, la météo, qui a des conséquences forcément sur nos conditions de circulation. Bah écoutez, il y a la météo, il y a l'heure, il y a les embouteillages, il y a les travaux aussi bien sûr. Bon, alors faire le point, du tunnel Porte de Halle au tunnel Léopold II vers la Basilique, c'est un ralentissement dans Bruxelles. En ce qui concerne le ring de Bruxelles, eh bien ça commence déjà bien se charger. 51 minutes supplémentaires pour l'intérieur, Zaventem Carrefour Léonard, plus 25 minutes pour l'extérieur, Zaventem Grand Bigard, plus 17 pour l'extérieur Grand Bignard au titre, plus 14 pour l'intérieur Grand Bignard Zaventem, plus 13 pour l'intérieur Carrefour Léonard au titre et plus 10 pour l'extérieur Carrefour Léonard Zaventem. Autant dire que le ring est saturé. Un véhicule est un accident impliquant plusieurs véhicules, pardon, sur le 19 Bruxelles-Mons à hauteur de Nivelles-Nord. Vous êtes ralenti à partir de Ittre en direction de Mons et vous perdez, vous êtes ralenti sur 3 km. Un objet encombrant une pièce métallique sur le ring 9 de Charleroi à hauteur du tunnel Mayence. La bande de gauche est encombrée. Et puis toujours ce gros problème sur la N4 depuis midi maintenant, depuis avant midi même. La N4 Namur Arlon à hauteur de Ciney. La chaussée est fermée, mais les fils s'allongent. Donc ça, l'augmentation de la circulation, bien évidemment, aussi en direction d'Arlon. C'est du purin qui s'est renversé sur la chaussée et il faut le nettoyer. Et puis un camion est en panne sur le 40 au centre de Bruxelles à hauteur d'Alost. Vous perdez 20 minutes en direction de Bruxelles. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La première avec Walid, c'est presque sérieux. L'actu, rien que l'actu avec au programme. Non, Catherine Ronvaux, l'Allemagne, terre de champions de foot ou de sport automobile, mais pas uniquement. Hein. Découverte d'un championnat un peu particulier au cœur de la Bavière, et on le découvre ce championnat un peu particulier avec vous. Tout à fait, il s'agit donc du championnat de doigts de fer. Non pas le bras de fer, mais bien le doigt de fer qui, oui, ça existe en Allemagne. C'est ce qu'on appelle un sport folklorique, au même titre que la Cooper's Hill Cheese Rolling, où des fous furieux s'élancent du haut d'une colline à la poursuite d'un fromage qui peut atteindre une vitesse de 100 km/h en imaginant qu'ils peuvent attraper vivant le fromage. Le fromage est vivant, enfin, il roule. Ici, pas de fromage, juste deux gaillards face à face, séparés par une table et reliés par le majeur. Le but du jeu est de faire passer l'autre au-dessus de la table à la force seule du doigt. Ça sent bon la bière, la choucroute, la lederhose échauffée, c'est le fameux petit shorty en cuir. Voilà, celui qui gagne, c'est celui qui a le plus gros doigt. Et tout ça, c'est à l'origine pour impressionner les filles. Ne me demandez pas pourquoi les Fräulein s'émoustillent à la vue d'un gros majeur et pourquoi on n'en parle pas dans aucun des épisodes Heidi qui n'était quand même pas très loin. Chez nous aussi, ça pourrait, je trouve, devenir un sport national, le doigt de fer. Bon, je ne suis pas certaine que ce serait le plus gros doigt qui gagnerait, évidemment, n'en déplaise à Marc Goblet, le bien fourni, parce que chaque doigt a sa particularité. L'auriculaire, par exemple, c'est celui qui détient les secrets des alliances, les moyens de pression, le doigt du lobby, en quelque sorte. Un petit round-up en puissance, discret mais puissant. L'index, c'est celui qu'on met dans son nez, qui fouille, qui farfouille à la recherche de petites crottes qu'on arrondit et qu'on balance alors sur ses ennemis. Dossiers oubliés, emplois fictifs, autres amusements carolorégiens. C'est aussi le doigt du maître lorsqu'il dit « Attention, tu vas être puni !» Sauf que ta punition, si on en juge par les délais actuels en matière de justice, ce sera pour tes petits-enfants. L'index, c'est aussi le doigt du délateur. C'est pas moi, c'est lui, c'est eux, c'est ceux d'avant, ceux d'en face, ceux de l'autre bord. Le majeur, c'est celui qu'on met dans le pot de choco, parce que c'est le plus long et donc il ramène plus de matières premières. Mais certains le voient levé, tel un piquet de grève, dressé comme le refus d'obtempérer, de se laisser faire, de se laisser avoir. D'autres le voient comme un point final, anal même, signifiant la victoire écrasante d'un pouvoir intouchable. L'annulaire, c'est l'anneau du mariage ou de la corde au cou, c'est selon. C'est aussi celui qui subit, comme l'auriculaire, le yubitsume chez les yakuza, c'est-à-dire l'auto-ablation du doigt en cas d'erreur grave. Pratique sage et efficace, s'il en est, et qui aurait permis à Jacqueline Yalland d'être rapidement mise en incapacité de travail sur calculette si elle avait été mise en vigueur. Vous imaginez le nombre de politiciens en moufle qu'on aurait? Le pouce, c'est le like. Ça peut arriver d'être positif, un panda, un goffin, un Wilmot. Et c'est aussi le doigt qui écrase tout sur son passage. Précisez qui... peut-être le prénom de goffin. David. David. Ah, bien sûr, d'accord. Qui permet de faire du stop. Pousse-t-on, borinage, PTB en avant, Mons. Bref, mettre les doigts à l'honneur dans un pays où tout se joue à pierre, papier, ciseaux, ça peut ne pas être élégant. Mais ça nous permettrait au moins de savoir exactement qui tire les ficelles. Le pouce, si je ne dis pas de bêtises, en Grèce, ça ne veut pas faire la même signification. Ah. Quand vous prenez quelqu'un en stop, en Grèce, ça ne veut pas dire la même chose. Enfin. je vous promets. C'est ça, en fait. C'est ça que ça veut dire. Je vous jure. Ah oui, dans ah, ça sent le vécu. Quel geste. Pardon ? Le doigt d'honneur, ouais, c'est ça que ça veut dire. Ce que j'ai entendu, c'est vulgaire, en fait. Faire du stop en grec, c'est mal vu avec votre pouce. Il ne faut pas faire du stop comme ça. C'est ça. Vous vous mettez devant la voiture. Grèce, mais donc, quand un grec like notre page, ça veut dire. Bon, en attendant, à 16h24, c'est le top 3 de Raoul Reyers. Hey, Raoul, ça fait du bien. Trois petits titres, mon Raoul. Plus de 30 platanes abattus à Fréjus. Ah bon ? Ou Fréjus, c'est moi je dis Fréjus. On peut lire les deux. On peut lire les deux. Et pourquoi ? À votre avis ? Parce que. Est-ce qu'on peut dire les deux ? Alors, moi, je vais vous dire pour le concert de Johnny Hallyday. Oui, voilà. Ouais, je l'ai lu quelque part. Ouais. C'est consternant. Ouais. Donc, ils ont 32 platanes pour que les gens voient mieux leur idole. Ouais, ouais. C'était moi, pas pour qu'il arrive sans en prendre un. Sans doute. Sa moto. En tout cas, moi, j'aurais plutôt abattu le vieux. Oui, c'est clair. J'imagine qu'il va y avoir un concert à Genneval également, puisqu'ils ont abattu 32 arbres centenaires autour du fameux Hôtel Normandie, qui était un patrimoine du Brabant Wallon qui va être démoli par les promoteurs. Ouais. Là aussi, je me serais plutôt occupé des promoteurs. Abattons, abattons. En numéro 2. Et donc voilà, il braque un McDonald's et tombe sur 11 membres des forces d'élite du GIGN. Pas de bol. Et alors, les gars rentrent avec un fusil de chasse, hein, ils mettent en joue le public et tout, et les types, ils sont 11 à table, ouais. Ils mangent leur truc, ils ne bougent pas, ils font semblant de rien. Et puis à un moment donné, ils font leur braquage, il y en a qui paraît claquer, ils se trébuchent et ils tombent à plat ventre, donc là ils le ramassent par le col de la chemise, et l'autre ils ont juste tiré une balle dans l'abdomen. Ah ouais. À 11 ils auraient pu faire plus de dégâts quand même. C'est vrai, mais bon voilà. Ça va quoi, ouais. Ça s'est bien terminé quand même. Et en numéro 1 une balle dans... Une balle dans l'abdomen. Une balle dans l'abdomen, ça fait toujours moins de dégâts qu'un cheeseburger. Alors, en numéro 1, Raoul, le titre du jour qu'il fallait presque lire. En Roumanie, le difficile choix entre trois candidats portant le même nom dans un même village. Alors, donc, il y a à peu près 2000 habitants. Ouais. Il y a trois candidats et ils s'appellent tous les trois, Edgar, vous m'aiderez, Vasil Chepoy, un truc comme ça, C-E-P-O-I. Oui, Vasil Chepoy. C'est bien, hein, Chepoy. Vas-y, et donc, c'est quand même Chepoy. Le maire sortant qui a gagné 82%. Lequel ? Bah, Chepoy. Chepoy. Vasil. C'est une Chepoy. Finalement, c'est un peu comme en politique belge, c'est toujours les mêmes noms aussi. C'est voilà. Non, c'est un casse-tête. Non, justement, chez nous, c'est beaucoup moins compliqué parce qu'il y a les prénoms qui changent. Jean-Claude et Philippe Van Kornberg, Alain et Guy Matteau, Frédéric et Michel Dardenne. Melchior et Melchior. Il n'y a que chez les Watley. Ouais, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Merci Raoul pour ce petit... top 3 et on va poursuivre l'émission avec du qui a dit. Venez jouer avec nous, venez participer à l'émission en envoyant ce code CPS au 6031, 75 centimes le message, une phrase extraite d'un quotidien. Cette phrase, je vous la rappelle, qui aurait pu dire dans la presse du jour « Je ne peux pas tout faire en même temps ». Ah, vous avez des idées ? Eh bien, on va vous faire des propositions dans un instant. Et à la clé pour vous, « More cash, more guns » de chez Repos Productions. Apparemment, Vincent Flibussier, c'est un pack que nous offrons puisqu'on ne peut pas jouer à « More cash, more guns » si on n'a pas cash and guns en fait. Ah oui, donc c'est encore mieux. Ah donc c'est vraiment la doublette. Vous avez raté avec carrément la banque. Ah oui, là c'est more cash, more guns et cash and guns. Voilà, c'est parti, vous vous inscrivez CPS au 6031. Faites-vous plaisir, on poursuit l'aventure presque sérieuse avec les informations qui arrivent tout de suite. Ça se passe sur la première. La première, Pierre Kroll, William Leroy, Bruno Coppens et Nicolas Beutars vous invitent à l'enregistrement de Un samedi d'enfer, le rendez-vous satirique du samedi matin sur La Première. Pour connaître le jour et l'heure de l'enregistrement, cliquez sur le site de La Première. Inscrivez-vous sur lapremière.be et rejoignez-nous pour vivre, vous aussi, Un samedi d'enfer, 9h-10h sur La Première. Et 24h sur 24 sur lapremière.be. Carglass répare, Carglass remplace. Un éclat dans votre pare-brise est toujours embêtant. Heureusement, Carglass est ouvert 24h sur 24, 7 jours sur 7. Carglass est toujours prêt à vous aider, aussi vite que possible. Réservez maintenant sur carglass.be, aussi via votre smartphone. À l'euro, les diables y vont pour gagner. Pour vous, il suffit de venir chez Intermarché. Profitez de nos centaines d'offres offensives, comme les brochettes de bœuf origine Belgique en 3 plus 1 gratis. Et il vous reste encore une semaine pour remporter votre kit supporter gratuit. Intermarché, tous unis pour gagner. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaire en magasin. Fêtez avec nous 50 ans d'innovation Nissan en Belgique du 3 au 11 juin. Et profitez de nos techno-deals, d'incroyables réductions sur les toutes dernières technologies Nissan. La première présente, l'orchestre à la portée des enfants. Rendez-vous avec les jeunesses musicales et l'orchestre philharmonique royal de Liège, dirigé par Zaya Ziwani. Allons ensemble découvrir l'univers particulier et le pays imaginaire de Peter Pan. Voyages, folies, personnages hauts en couleur nous attendent à la salle philharmonique de Liège le 10 juin et au Beaux-Arts de Bruxelles le 11 juin. Tu gardes tes jours, s'il te plaît. Moi, j'ai mes jours, toi, t'as tes jours. L'économie du couple, un film de Joachim Lafosse avec Bérénice Bejo et Cédric Kahn. Une plongée intense et sensible dans la vie d'un couple en crise. Dis-moi, tu vas te mettre à chercher quand ? Chercher quoi ? Un appartement. L'économie du couple, un film coproduit par la RTBF en salle le 8 juin. Je suis plus amoureuse, c'est tout. Le coffret du concours Reine Elisabeth de piano 2016 est déjà disponible. Retrouvez les lauréats qui vous ont offert de grands moments d'émotion pendant cette session exceptionnelle. Lukas Vondracek, Henri Kramer, Alexander Beyer, mais aussi Alberto Ferro, le prix Musique 3. Un coffret 4 CD en vente partout et sur la boutique RTBF. Hé, hey, coucou, c'est moi, Julie, tu me reconnais plus ou quoi ? Julie, oh mince alors, mais t'as... Bah ouais, j'ai perdu quelques kilos. Oh, mince alors, comment t'as fait ? Quelques kilos à perdre ? Essayez Réductin. Il diminue votre appétit, votre envie de grignoter, brûle les graisses sédentaires et contrôle l'envie et la dépendance au sucre. Mince alors ! Réductin, la minceur réinventée, en vente en pharmacie. La première. 16h30. On s'informe avec Marie Van Kutsem, bonjour. Bonjour à tous. La pluie et les inondations s'invitent de nouveau dans l'actualité ce soir. La région de Liège, de Verviers sont particulièrement concernées. Mais ailleurs, en Wallonie aussi, et d'ailleurs il faut s'organiser. Il y a par exemple de fameuses perturbations sur le rail. Des bus ont été mis en place entre Mons et Quévy car la circulation des trains est à l'arrêt. Idem entre Nanine et Ciney dans la région namuroise. Cette action des magistrats ce matin devant les palais de justice du pays. 30 minutes de manifestation pour dénoncer le manque de moyens de la justice. Manque de personnel, locaux vétustes, informatique totalement désuet. Dans Soir Première, nous reviendrons sur les conditions de travail parfois surréalistes des acteurs de la justice. Et puis les Diables Rouges décollent d'ici une vingtaine de minutes pour Bordeaux depuis l'aéroport de Zaventem. Bordeaux où ils vont installer leur quartier pour l'Euro 2016 de football. Premier match des Belges, ce sera lundi prochain face à l'Italie. Et aujourd'hui, dans Soir Première, une question. Les Diables sont-ils surentraînés ? Pierre-Yves Meugens vous répond en CQFD à 17h45. Je vous sens rigoler. Laissez-moi dire les invités d'abord. Alors, Frédéric Renaud, préparateur physique du Sporting de Charleroi, et Robert Wassège, ex-coach des Diables Rouges durant l'Euro 2000 et la Coupe du Monde 2002. Sont-ils surentraînés, donc ? C'est une vraie question. Ah, ouais, bah écoutez. Bah, vous le verrez. Bah, et bah, on le verra. Rendez-vous à 17h45, bah, c'est ce qui s'appelle du teasing. Rendez-vous déjà le 13 juin, on verra ce que feront nos Diables Rouges. Sont-ils surentraînés ? Iront-ils jusqu'en finale ? Gagneront-ils cet Euro 2016 ? Eh bien, vous le saurez en suivant, bien entendu, l'Euro de football sur la RTBF. Merci Marie. À bientôt. Retour de l'information tout à l'heure à 17h. C'est presque sérieux. Sur la première, 16h-17h30, avec Walid. Direction Mehaigne, où nous accueillons Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Walid. Vous allez bien ? Ah, je suis en pleine forme aujourd'hui. C'est vrai, pourquoi ? Hier, c'était pas le cas. Ah non, je trouvais que vous étiez un petit peu dur avec votre invité hier. Oh non, non, non. Alors, je vous promets, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour lui faire parler de son bouquin. Elle a quasi pas parlé du livre. Donc à un moment donné, je voyais pas l'intérêt. Voilà. Et comme je suis quelqu'un de sincère, je dis la vérité. Donc je dis ce que je pensais. Et j'ai pas été très méchant. J'étais gentil, quoi, du contraire. Je suis quelqu'un de relativement gentil. Raoul, vous pouvez en témoigner. Tout à fait. Voilà. Relativement. Mais c'est même pas ça. Walid est très gentil, il ne faut pas l'énerver. Mais je vous promets, j'ai pas été. Mais est-ce que sincèrement j'étais méchant ? Mais non. Non, c'était une joute verbale. C'est absolument pas méchant. C'est un peu caustique. Ah bah, c'était le but. À un moment donné, voilà. Je vous invite à lire son bouquin, vous me ferez un résumé. Je vous promets, il tiendra sur un post-it. J'ai fêté mes 50 ans, je vais le lire. Eh ben voilà. On vous conseille le chapitre Quel blond choisir ? Voilà, en tout cas, aucune attaque quelconque sur. Les quinquas en règle générale, hein. Un jour ou l'autre, je les aurai, puis je suis accompagné d'un quinquas. Et quel quinquas ? C'est Raoul Reyers quand même. Quincaillerie. Ouais, c'est vrai, il faut le supporter aussi. Ah, c'est le cas de le dire. Hein. Dites-moi, mon cher Frédéric, vous avez lu l'actu du jour. On est un peu en famille. Ici. Mais c'est un peu ça. C'est, vous savez qu'on n'a aucun. Moi, j'ai aucun secret. Genre, je dis ce que je pense à un moment. Bon, parfois, voilà. Je peux pas caresser dans le sens du poil tout le temps un invité. Je peux dire aussi, bon, voilà, votre livre est pas terrible. Caresser Sophie Fabien dans le sens du poil. Quand t'as grandi à essayer hier, c'est pas très bien passé. C'est vrai, voilà, c'est tout. Mais bon. Je m'en excuse. Voilà, je tenais à présenter mes excuses à ceux qui, que j'ai pu, ou que nous avons pu heurter. Mais non. Cette émission, je ne suis pas la seule à la faire quand même. Je ne peux pas tout faire en même temps. Revenons à nos moutons, comme dit un bon proverbe de chez moi. Qui aurait pu prononcer cette phrase, mon cher Frédéric? À vous de le déterminer parmi les propositions que nous allons vous faire. Et commençons par notre quinca, nous, Raoul Reyers. Raoul. Je ne peux pas tout faire en même temps. Okay. C'est Marc Goblet qui n'en peut plus. Hein. Les grèves fatiguent. Il ne peut pas en même temps faire des discours, tenir le drapeau, brûler les pneus, cuire les brochettes sur le tonneau, ouvrir les chopes avec ses dents. Arrêtez, cette petite semaine va lui permettre de se retaper. C'est ce qu'il a dit. Ouais. Pour mieux revenir la semaine prochaine. Oui, à moins que ça ne recommence avant la fin de la semaine, mais ça, on ne sait pas. Je ne peux pas tout faire en même temps, Cynthia Isarelli. Eh bien, c'est Charles Michel face aux multiples reproches qu'on lui fait sur l'inaction de la Suédoise vis-à-vis des multiples dossiers en cours. Il a donc dit la citation complète, « Je ne peux pas tout faire en même temps, et puisque je ne peux privilégier aucun dossier par sens de l'impartialité, eh bien, je ne fais rien. Mm-hmm. » On va poser la même question à Edgar Schott. « Je ne peux pas tout faire en même temps. » Mais c'est ce pauvre Kuhn Gaines dont on parlait au journal de 16h30 qui doit faire face à la grogne des magistrats. Mm-hmm. Vincent Flibustier, je ne peux pas tout faire en même temps. Eh bien, c'est Laurent Olotte, le chef de l'info chez RTL, à qui on a demandé pourquoi il y avait un sujet de 6 minutes sur la crevette de Peridaïsa et rien sur le naufrage de 700 migrants. Je ne peux pas tout faire en même temps. Hein. Ah, ok. Et enfin, Catherine Ronvaux. Eh bien, c'est une mouche. C'est la nouvelle mouche qu'on vient de découvrir ici à Bruxelles, la Drapetis bruxellensis, au jardin botanique Jean Massard. Qui dit voilà, je ne peux pas tout faire en même temps, être sur le sucre et le crottin. La drapétiste, comment vous dites? Elle s'appelle drapétiste bruxellensis. Bruxellensis. C'est une nouvelle mouche bruxelloise. C'est une nouvelle. On vient tout de suite. Il y a 2 heures. C'est tout chaud, quoi. C'est vraiment chaud. Okay, d'accord. Alors, mon cher Frédéric, les différentes propositions, les voici. Marc Goblet, Charles Michel, Kuhn Gaines, Laurent Houlotte et la drapétiste bruxellentiste. Qui aurait pu prononcer cette phrase? Je ne peux pas tout faire en même temps, sachant qu'une mouche, bien entendu, ça ne parle pas. Oh, c'est ça, savez-vous? Bah écoutez... Science, tout ça. Ouais. Alors, qui éliminons-nous? Qui éliminons-nous, déjà? Qui on élimine? Alors, on va déjà éliminer la mouche, évidemment. Bien sûr, éliminons la mouche. Elle vient à peine de... Bah ouais, bah, d'être découverte. C'est le principe de la vie d'une mouche. Hein. Elle se fait écraser tout de suite. Il reste Laurent Houlotte, Kuhn Gaines, Charles Michel ou Marc Goblet. Qui aurait pu prononcer cette phrase « Je ne peux pas tout faire en même temps ». Qui souhaitez-vous éliminer d'autres? Marc Goblet, Charles Michel, Kuhn Gaines auraient très bien pu le dire tous les trois. Ah ouais? Ouais. Mais sachant que M. Goblet n'est jamais dans l'action, Charles Michel non plus, je dirais peut-être Kuhn Gaines. Oula, vous êtes caustique. Monsieur est enfin limier. Kuhn Gaines pour Frédéric, du côté de Meheigne. Vous êtes certain, vous pensez que c'est lui qui aurait pu prononcer cette phrase « Je ne peux pas tout faire en même temps ». Bah, c'est vrai qu'il a quand même C'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers sur le feu, comme on dit. Qui s'accoune. Ah oui, entre les magistrats d'un côté, entre les prisons d'autre. Il est ministre. Oui. Et c'est donc gagné, mon cher Frédéric. Effectivement, c'est Kuhn Gaines, le ministre de la Justice, qui a souligné avoir concrétisé un bon nombre de ses engagements, mais ne peut pas être en mesure de faire des miracles en 20 mois. Les grèves sont, selon lui, dues à l'insécurité ressentie par les gardiens qui cherchent à être rassurés sur leur sort jusqu'en 2019. Mais actuellement, il n'est pas possible de le faire. C'est ce qu'il a commenté dans la presse du jour. C'est donc gagné. Vous repartez avec More Cash More Guns de chez Repoprod que nous vous envoyons. Vous allez voir, si vous êtes fan du parrain... Vous allez parler à la fin. Ah oui, à la fin, vous allez parler comme Don Corleone. Vous allez voir. C'est vraiment très sympathique comme jeu. On vous envoie, bien entendu, Cash and Guns en plus, puisque d'après Vincent, on ne peut pas jouer à More Cash and More Guns si on n'a pas Cash and Guns. Voilà, c'est une extension. Mais c'est super bien comme jeu. Ah ben voilà, vous allez vous amuser en pensant à nous, mon cher Frédéric. On vous envoie ça très rapidement. Restez fidèles à la première. Restez presque sérieux. Bien sûr. Et dans la suite, justement, on va rester presque sérieux avec Edgar Schott. Car, on parlait de Kuhn Gaines, justement, et on va parler de la magistrature. C'est parti. Vous auriez volé du fromage, des hamburgers, mettez-vous comme il faut, des pains au chocolat pour 31 euros. Vous connaissez les faits? On aurait pu le laisser dans son entièreté. Effectivement, après les cheminots, les gardiens de prison, les enseignants, c'est désormais au tour des magistrats de manifester leur mécontentement à l'égard de la politique gouvernementale. La parole est à Edgar Schott, l'avocat de la défense. Merci, votre honneur. Je vous en prie. Pour entamer ma plaidoirie, je voudrais quand même poser une question qui n'est pas que rhétorique. est-ce qu'au sein du gouvernement Michel, il n'y aurait pas une espèce de concours secret? Vous voyez, un concours du genre de ceux lors desquels, quand vous passez à la radio ou la télé, vos amis vous défient de réussir à placer un mot un peu incongru, genre cucurbitacé ou Raoul Reyers. Par parenthèse, le meilleur exemple que je connaisse en la matière remonte à au moins 30 ans. Alors qu'il présentait un de ses premiers journaux télévisés, Jacques Brédal avait été sommé par quelques amis d'y placer le mot « banane ». 19h30, rien. 19h40, encore rien. 19h50, toujours rien, alors qu'il vient de donner la parole à Thierry Luters et que l'occasion était donc parfaite d'évoquer la banane. Voilà, dernier sujet, Paris bêtement perdu, et là retentit un brillant et victorieux « Banane, mademoiselle, monsieur, bonsoir ». Véridique. On s'en souvient tous, effectivement. Mais donc parfois je me demande si en plein Kern, Herman de Croo, Charles Michel, Chris Peters, Yann Yambon et Didier Renders ne font pas des paris un peu pareils. Hey « Hé Charlie, maintenant que t'as viré Jacqueline, je parie que t'es pas capable de mettre les cheminots dans la rue. Tu rigoles ou quoi? J'ai qu'à claquer des doigts et les trains s'arrêtent. D'ailleurs, même quand je claque pas les doigts, ils s'arrêtent quand même. Et pas seulement à Saint-Georges-sur-Meuse. Bon, ok, plus dur. Pour le moment, c'est Yann qui gagne. Lui, il a réussi à mettre les militaires dans la rue. Mais Peters, si avec Gaines t'arrives à faire manifester les magistrats, c'est toi qui rafles la mise. Honnêtement, je ne vois pas d'autre explication crédible aux étranges cris qu'on entendait ce matin, place Poulart, et devant tous les palais de justice du pays. Michel, t'es foutu, les juges d'instruction sont dans la rue. Donc voilà où on en est, des manifestations de la magistrature et de l'ensemble du personnel de la justice. L'État tremble sur ses bases. Non, vous n'avez jamais vu une manif de greffiers, c'est des fous hein, ces gens-là. À côté d'un greffier en colère, Joe Starr, c'est Gandhi. Quoi. En fait, le mode d'expression de la grogne magistraturale pourrait se résumer par une pancarte que j'avais vue lors de la manifestation des notaires, oui, des notaires français, en décembre 2014. Un type dont tu peux déjà deviner qu'il s'appelle Enguerrand ou Charles-Édouard participe à ce qui est visiblement la première manifestation de sa vie. Costume sur mesure en mérinos, chaussures John Lobb impeccablement cirées, écharpe en cachemire, brushing de la veille. Il arbore fièrement une pancarte en papier vélin où sont impeccablement calligraphiés les mots suivants. Je suis tellement en colère que j'ai écrit sur une pancarte. Moi, je trouve ça drôle. Bon. Ben oui, c'était parfait, mais à mon avis, la grande, ça ressemble à ça. Je reprends ma plaidoirie. Monsieur le juge, qu'est-il au juste reproché à mon client, Monsieur Gaines Kuhn? Puis-je vous rappeler qu'il hérite d'un département qui a été préalablement géré par Melchior Watley Senior, Mark Verwilgen, Laurette Onkelinx et Annemie Turtlebaum? En vouloir à Kuhn Gaines, ce serait comme en vouloir au médecin à qui on vient de confier un patient qui aurait été préalablement traité par Rika Zaraï, Sophie Favier et les conseils nutrition de Raoul Reyers. Mais le vrai problème que personne n'évoque et qui ralentit la justice au point de provoquer l'arriéré que l'on sait, ce n'est pas le manque de moyens. Non, beaucoup plus simplement, ce sont les plaidoiries kilométriques de Corentin Candy. Je vous en donne un extrait. Madame la juge, avant d'en venir au fond, je voudrais passer quelques instants à vous parler de vos yeux. Et regardez, là je vous ai amené mon texte et je vais faire semblant d'être ventriloque. Quand je vous ferai signe, vous voudrez bien imiter la voix de Raoul pour annoncer le radioguidage de Pierre Collarbovi. Voilà, monsieur le juge, il est là le problème majeur de la justice et tout le monde le sait, même si personne ne le dit. Ah, merci mon cher Edgar. On parlera encore de la justice, ce sera dans un instant, avec le presque jeu dédico. Il y a un mot que je vais vous proposer dans un instant et des définitions que vous allez proposer à un de nos auditeurs ou une auditrice, qui sait. Pour ce faire, bien, je vous invite à vous inscrire là tout de suite en envoyant CPS au 6031, 75 centimes le message. On vous offre un abonnement, 3 spectacles valables pour la saison 2016-2017 au Théâtre de Poche. Pour faire du Poche votre deuxième maison, il suffit de jouer avec nous. Là maintenant, on vous attend. Vous envoyez donc CPS au 6031, 75 centimes le message. Nom, prénom et adresse. Un abonnement quand même de 3 spectacles valables pour la saison 2016-2017 au Théâtre de Poche. Et pour l'un ou l'une d'entre vous, dans la suite de ces Presque Sérieux, Presque Star également qui arrivent. Restez fidèles à la première, restez avec nous. On revient juste après ceci. C'est Presque Sérieux sur la première. Walid, jusqu'à 17h30. Pour le foot, vous amènerez les pizzas, les gars? Parce que moi, j'ai déjà commandé un super four chez Krefel. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Comment je calcule le coût salarial d'un employé supplémentaire? Ben, je ne le fais pas. Faites confiance à Sécurex. Réalisez une simulation sur coûtsalarial.be. Sécurex. Chacun son métier. Et la priorité de droite, c'est valable aussi pour les drones? Question, hein? Le progrès est passionnant, mais pas sans risque. Vivium Assurance. Plus d'infos chez votre courtier. Les Ardentes. Fêtez les 10 ans du festival du 6 au 10 juillet à Liège. Avec Indochine, Aaron, Alice on the Roof, Les Innocents, Ibrahim Malouf, Feu Chatterton, IBI, Rosé Gonzalez, Christophe, Charles Bradley, Mark Ronson et Pharrell Williams. Infos et réservations, lesardentes.be. Avec la première, la 2, RTC, Télé Liège et Métro. La première présente, Boulevard du Polar, un festival international les 11 et 12 juin à la Bourse de Bruxelles. Coupable d'écrire, de dessiner ou de filmer, Nadine Monfils, Patrick Reynal, Caril Ferret, Franck Tillet et 36 complices sont arrêtés. Tout le programme sur boulevard-du-polar.be avec la ville de Bruxelles, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la COCOF. Démonée, oui. Tu crois pas qu'on a juste un problème de sonnette? Mais non, mon lapin, non, je ne pense pas. Enfin, ça fait deux semaines qu'on attend, Monique, deux semaines. Oui. Y'a quelqu'un? Personne n'a envie d'acheter notre maison? Un peu de sérieux. Pour vendre ou louer efficacement votre bien par vous-même ou via un professionnel, ImmoWeb est la solution. ImmoWeb, le site immobilier préféré des Belges. La première, Mobile Info. 10h44, retrouvons sans plus attendre Pierre Collard-Bovy. Oui, avec toujours ces chutes de pluie hein, dans la commune de Limbourg où la phase communale d'urgence est déclenchée, ainsi qu'à Welkenrath, à Dison, à Soumagne, à Liège et à Colonster aussi. Chaussée inondée également sur le 25 Liège-Bastogne aux environs d'Hambourg en direction de Bastogne. Dans Bruxelles, vous ralentissez du tunnel Porte de Halle au tunnel Leopold II vers la Basilique et dans le tunnel Boileau vers Mézières. Des temps de parcours très allongés sur le ring de Bruxelles, plus 61 minutes, donc plus d'une heure en plus pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard et la distance est courte. Plus 32 minutes pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 22 minutes pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 18 pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem, plus 16 pour l'extérieur Carrefour Léonard Zaventem et plus 14 pour l'intérieur Carrefour Léonard au titre. Terminé pour l'accident sur la Nationale 4 Namur-Arlon autour de Ciney. Il faut que les fils se résorbent, mais c'est pratiquement fait, donc tout roule de ce côté-là. Un camion est en panne sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle à hauteur de Sorex-Seuseux, c'est en direction d'Aix-la-Chapelle, c'est la bande droite qui est encombrée. Terminé également pour l'accident impliquant un camion sur le 40 au stand de Bruxelles. Celle à Lost, mais vous étiez ralenti assez considérablement. Il reste encore une petite trentaine de minutes de fil qui doivent se résorber en direction de Bruxelles. Et puis un accident, à l'instant même, on me le signale, sur la Nationale 4 Namur-Arlon, aux environs d'Herpan. Le passage est difficile en direction d'Arlon. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, à un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. Nous sommes avec vous, nous sommes presque sérieux et un mot extrait de l'actualité du jour, à vous de déterminer parmi les définitions que nous allons vous proposer qui a la bonne réponse. Et nous jouons avec Christiane de Bruxelles. Bonjour Christiane. Bonjour. Vous allez bien? Mais je vais très bien, merci. On va vous proposer un abonnement 3 spectacles valables pour la saison 2016-2017 au Théâtre de Poche. À vous de déterminer ce que signifie le mot riotte. Une riotte ou un riotte, Raoul Reyers. La riotte est un risotto cannibale. Je vous donne vite une petite recette. Hein. Pour une tribu, faire cuire 3 kilos de riz dans un bouillon d'homme que vous aurez réalisé avec de vieilles carcasses et des eaux bouillies. À mi-cuisson, introduisez quelques morceaux de filet de missionnaire fraîchement cueillis au coin du bois et laissez mijoter jusqu'à évaporation du bouillon. Rajoutez quelques yeux pour égayer votre plat. Un risotto cannibale. Avec un bon vin rouge bulgare. Mmh. Ça passera facilement. Ah oui. Ouais. Alors, Cynthia Isarelli, riotte. Riotte, il n'est point d'amis entre lesquels il ne survienne quelques riottes. Ça vient du verbe rioter, c'est de l'ancien français pour dire querelle ou dispute. Mm-hmm. Et ça nous a donné son cousin anglais, riot. All right, gun, bien sûr, all right, gun. On va demander à Edgar Schotz. Alors, riotte. Oui, je voulais d'abord dire que la définition de Raoul m'avait l'air tout à fait crédible jusqu'à ce qu'il dise « bon vin rouge bulgare ». Riotte, ça n'est donc pas un riotte ou une riotte, puisque c'est un adjectif, et vous l'avez dit, riotte gun, c'est un adjectif qui veut dire très puissant, donc un riotte gun, c'est un gun très puissant. Très puissant, d'accord. Vincent Flibustier. Eh bien, une riotte, c'est évidemment une cerise frigide, puisqu'elle n'a pas encore trouvé son point G. Oh, oui. C'est beau. C'est beau. C'est pas mal, hein. C'est beau. Et enfin, Catherine Ronvaux, une riotte. Une riotte, c'est une petite fille, une petite gamine qui a comme place attaquante au football et qui joue plus les tibias que le ballon. Ah oui. C'est une riotte. Ah ouais. Normal, quoi. Ouais, normal. Oui. La riotte, un risotto cannibale, une querelle, un adjectif qui signifie très puissant, une cerise frigide ou une petite fille, ma chère Catherine. Christiane. Christiane, pardon. Eh bien, je dirais plutôt les yeux dans le cannibale, ça, franchement, c'est non, je crois non. que c'est trop. Non, ah, non, c'est trop, ça, c'est bien trop. Sûr. Ah, c'est oui, goûté. Ça, c'est un peu trop, oui. Le riotte gun, Par rapport à la querelle, oui, j'aimerais bien. La deuxième définition. La querelle. La querelle. Et oui. Effectivement, c'est la querelle. Riot entre amants, son jeu pour la plupart. Rien n'avait pu diviser la maison d'Autriche depuis Charles Quint, quoique si souvent pleine de riots domestiques. Effectivement, ce qui signifie, c'est un terme un peu vieilli, hein. Querelle, dispute, pourquoi on en parle? Eh bien, parce que les magistrats ne sont pas contents. Hein. C'est une ils belle petite dispute. Querelle, ils sont en riot. Ils sont en riot. Hein, la magistrate Françoise Tulkens, qui fut juge d'ailleurs à la Cour européenne des droits de l'homme, on en parlait. Et présidente de la Ligue des droits de l'homme. Et présidente de la Ligue des droits de l'homme, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure avec vous. Il doit y avoir des moyens pour assumer son rôle, en tout cas le juge. Le juge et les magistrats doivent avoir des moyens. C'est ce qu'ils réclament aujourd'hui. Petite querelle, petite riote, donc. Voilà, ma chère Christiane, vous repartez avec eh bien, cet abonnement. Trois spectacles valables pour la saison 2016-2017 au Théâtre de Poche, histoire de, bah, de vous en mettre plein les yeux. Voilà. Eh bien, je vous remercie beaucoup, parce merci. Que ça me, j'aime le théâtre, ça me plaît beaucoup. Eh bien, voilà. Merci. Mais le théâtre vous aime aussi. N'oubliez pas ça. C'est un beau slogan. Nous en suis absolument certaine. C'est un beau slogan, ça. Le théâtre vous aime. J'aime le théâtre. Mais n'oubliez pas, le théâtre vous aime aussi. Ah, merci, Raoul Reyers. Comédie française. C'est ça, oui. Comédie verviétoise, oui. Restez avec nous, Christiane. On va s'intéresser maintenant à une presque star, quelqu'un qui fait parler de lui dans la presse. Juste le temps pour nous d'écouter Allo et Black avec I Need a Dollar. Qui fait parler de lui dans la presse? Eh bien, vous le découvrirez dans un instant, en restant presque sérieux. Ils sont presque sérieux autour de cette table, nos chroniqueurs, nos beaux esprits, qui remettent en lumière avec impertinence l'actu du jour. Inside the bottle, maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies, names is whiskey and wine. Hey, hey. And for my good old buddies, I spent my last dime. Hey, hey. Now wine is good to me, you help me pass the time. And my good old buddy whiskey keep me warm in sunshine. Hey, hey. Your mama may have blessed the child. De 2010, extrait de l'album Good Things. Vous écoutiez à l'instant Allo et Black avec I Need a Dollar sur la première. C'est presque sérieux sur la première. Une presque star. Il est avec nous, il s'appelle Franz. Bonjour Franz. Allô. Franz, bonjour. Bonjour Franz. Franz, je l'entends de loin. Je l'ai entendu de très loin. Maintenant, il va arriver. Franz, vous êtes là normalement. C'est bon, je suis là. Voilà, il est là. Alors, pour quelle raison on parle de France dans la presse? À vous de le déterminer. Vous avez 1 minute 30 pour le découvrir. Je ne réponds à vos questions que par oui ou par non, mes chers amis. Écoutons. Il fait un saut à l'élastique. Pourquoi? Parce que vous l'avez entendu de loin et puis il est arrivé. Ah, c'est ça. C'est pas ça. Est-ce que Franz est artiste? Oui. Est-ce que pianiste. Est... Pianiste. Pourquoi? Liste. Franz Liszt. Bah non, c'est pas lui. Est-ce que Franz est belge? Franz est belge, ouais. Artiste peintre. Peintre, artiste. Visuel. Visuel. Sculpteur. Cinéma. Cinéma, non. Sculpteur, non. Théâtre de rue. Pardon? Théâtre de rue. Théâtre de rue non plus. Clown. Clown non plus. Allez, vous avez hésité sur peintre. Ouais, peintre. Il dessine. Il y a du dessin, ouais. Ok. Alors, qu'est-ce il dessine des choses au mur? Et au mur, non. Sur du papier? Sur, bah oui. Bah, ça pourrait être sur du bois ou de la toile. D'abord, hein. Quand je vais dessiner sur votre dos. C'est de la bande dessinée? C'est de la bande dessinée. Ça, ah, c'est de la vraie. Bah, il sort une BD. Oui, mais si je vous dis. Il a créé un nouveau personnage. Alors, si vous prenez Franz, son prénom. Ouais. Et que vous le mettez à l'envers. Ça fait Franz. Ah oui. Franz. C'est un gars de chez Dupuis qui fait les petits bonshommes dans un donjon comme et ça. Bah, voilà. Ça s'appelle Rock and Pop. Et bien c'est lui que nous avons au bout du fil. Il a travaillé 2 ans en tant que graphiste pour un site et puis 3 ans pour un studio de jeux vidéo. C'est bien ça? C'est tout à fait ça, ouais. Et maintenant, vous sortez une bande dessinée qui s'appelle Walk of the Dead, éditée au Lombard, une parodie donc de Walking Dead. Parlez-nous-en. T'en as déjà dit pas mal, hein. C'est effectivement une parodie de Walking Dead, sortie au Lombard il y a 3 mois maintenant. Mmh. Je pense qu'en librairie, on doit la retrouver encore assez facilement à côté des Walking Dead, les vrais. C'est quoi? C'est avec la même trame que la série? Vous êtes inspiré de la même histoire? Il y a des zombies, il y a tout ça? Alors en fait, il y a des zombies. On a repris un petit peu les points. On a repris des points de l'histoire de la série originale. Donc on a repris le réveil à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on a repris d'autre? La prison, l'arrivée dans une petite communauté présidée par un fou maniaque. Mm-hmm. Et puis autour de ça, en fait, on a brodé un petit peu notre propre histoire. Donc ceux qui connaissent Walking Dead vont apprécier parce qu'ils retrouveront aussi. Des parodies de personnages connus comme Eric le shérif. Moi, je vous avoue que j'ai regardé le premier épisode de Walking Dead. Je suis resté sur le premier. Moi, je trouve que j'ai vu la BD et je suis aussi resté sur le premier épisode. Et vos personnages sont tout aussi bêtes que dans la série. C'est pas tellement une parodie. En fait. Moi, c'est ce qui m'a fait bugger sur la série, c'est que les personnages sont vraiment très très cons. C'est vraiment très, très, des grosses ficelles. Et là, dans la série, c'est quoi? C'est une parodie, une vraie parodie de la série? Alors, vraie parodie, oui, enfin, les personnages, oui, ils, dans la série, vous les trouvez cons, dans la BD, ils sont très drôles, en tout cas. Oui. Cynthia. Moi, je voulais dire que j'ai eu la chance de lire la BD, mais je connaissais pas bien la série, parce que les zombies, c'est pas mon truc à la base. Mm. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que c'est des petits strips, et même si on connaît pas la BD, ça joue vraiment avec les codes du film d'horreur, et c'est assez drôle, et c'est très décalé. Par contre, ça m'a donné envie de retourner voir la série Walking Dead, mais je reviens sur ce que disait Flibustier, c'est effectivement très con, et je préfère la parodie à l'original. Eh bien, procurez-vous Walk of Dead. C'est Franz à l'envers. Merci à vous d'avoir été notre presque star. Dites-le 10 fois très vite. Et on mettra toutes les infos vous concernant d'ailleurs sur notre page Facebook et sur le site de la première, lapremière.be. On vous embrasse. Et dans la suite, justement, on reste presque sérieux avec toute la bande sur la première. On s'informe juste après ceci. À tout de suite. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Du 6 au 25 juin, c'est les prix Qualité Pro spécial rénovation chez Tout Faire Matériaux. En ce moment, le revêtement de sol stratifié, épaisseur 7 mm, coloris peint gris, facile à poser grâce à son système clipsable et garanti 10 ans, est à 5,99€ le mètre carré. 5,99€ seulement. Alors profitez-en. Tout Faire Matériaux. Gagnez en savoir-faire. devrais pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Qui veut voir mes photos de vacances? No. Bon, alors ici, c'est Brian Cybercafé. Là, c'est Brian Fast Food. Wow. Alors là, c'est... Ah, ben c'est Brian dans les couloirs de l'hôtel. Oh. Et là, c'est Brian sur la terrasse de l'hôtel. Alors là, ah ben on voit encore Brian Fast Food. Avec Orange, là, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appelez, envoyez des SMS et surfez partout en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. La pluie, il l'ignore aussi sec. Les feuilles mortes mouillées, elle glisse sur son indifférence. La neige, elle tombe très mal si elle croit lui faire peur. Grâce à l'option Grid Control, le nouveau SUV Peugeot 2008 est conçu pour dominer les éléments. Et grâce au Peugeot Private Lease, roulez tranquille au volant du SUV 2008 à partir de 269 euros par mois, taxes, assurances et entretien compris, et sans apport. Découvrez-le lors du week-end de lancement, les 11 et 12 juin. Offre de location full service soumise à conditions réservées aux particuliers. La météo. Bonne fin de journée à tous. Des averses orageuses sont déjà de retour sur le pays et on s'attend à ce qu'elles soient encore violentes ce soir et jusqu'en première partie de nuit. On pourrait même encore retrouver quelques coups de tonnerre, même demain matin. Demain, on notera encore un ciel chargé des averses, voire un coup de tonnerre sur le sud du pays. Par contre, à partir du nord, eh bien, on va retrouver progressivement du soleil. Les températures, un peu en baisse, ne dépasseront plus 19 à 23 degrés, et encore 25 du côté de la Campine. Pour la fin de la semaine, jeudi et vendredi, on arrive enfin à un temps sec, mais plus frais. Maxima de 17 à 21 ou 22 degrés. Soleil ou vent, vivons mieux l'énergie avec Engie Electrabel. La première. Il est 17h. Votre journal, Diane Burgel-Vernet. Bonsoir Diane. Bonsoir. Le gouvernement fédéral, les régions et les communautés doivent conclure un important document. Il reprendra les grandes priorités en matière de lutte contre la criminalité. 4 personnes ont été arrêtées en Turquie dans le cadre de l'enquête sur l'attentat. La voiture piégée, il a fait 11 morts ce matin dans un quartier touristique d'Istanbul. Pierre Collard-Beauville, il y a une circulation plus difficile à cause des inondations notamment. Disons qu'il y a effectivement d'énormes chutes de pluie pour le moment, donc c'est bien l'intention dans la région surtout, et comme hier, de Wilkenrad à Dison, Soumagne, Hambourg, voilà, région liégeoise essentiellement. Et notez ce ralentissement important sur le ring de Bruxelles entre Strombeek-Bever et les 4 bras de Tervuren vers Waterloo. Vous perdez pratiquement une heure de ce côté-là. C'est un grand ralentissement. Des grêlons encore, des orages à nouveau. Le village de Dolin, la partie basse de la ville de Limbourg, située à une dizaine de kilomètres à l'est de Verviers, a encore été arrosé. Les pompiers ont été appelés pour une dizaine d'interventions. Des caves ont notamment été inondées. Le bourgmestre a redéclenché le plan communal d'urgence. François Brébon a rencontré Béatrice. Elle n'avait pas terminé de nettoyer sa maison sinistrée hier quand elle a vu l'eau dévaler la route en pente qui arrive du village voisin. C'est arrivé aux alentours d'une heure quart, une heure et demie, c'était après le JT. Il y avait bonnement entre 30 et 40 cm qui dévalaient la route. Avec des pierres et de la boue? Avec des pierres et de la boue, il y a encore des résidus de gravats un peu partout. La force de l'eau, c'est incroyable. Et quand on en est à ce point-là, on ne sait plus rien faire que de constater les dégâts et de laisser faire. Encore bien que les ouvriers communaux ont réagi très très vite. Évidemment, ils étaient sur place encore en train de déblayer les dégâts d'hier. C'était beaucoup plus impressionnant de voir l'eau qui dévalait la route et de se demander si elle allait rentrer à nouveau dans la maison. Mais on y a échappé aujourd'hui pour la deuxième fois. Par contre, d'autres voisins n'ont pas eu cette chance. Les intempéries qui provoquent également des perturbations sur le rail. Les trains ont été interrompus un temps entre Nanine et Ciney en province de Namur. Dans le Hainaut, la circulation est par contre toujours interrompue entre Mons et Kévy. Une vision commune de la sécurité. Le gouvernement fédéral, je vous le disais, les régions et les communautés doivent conclure en cette fin d'après-midi un important document. Il reprend les grandes priorités en matière de lutte contre la criminalité. Cette note cadre de sécurité intégrale, c'est son nom, n'avait plus été mise à jour depuis 2004. Elle servira également de base à une nouvelle version du plan national de sécurité, autrement dit à la feuille de route des services de police et de justice. Yann Yambon, le ministre fédéral de l'intérieur en précise les contours. Pour la première fois, on a un cadre global pour la politique de sécurité qui est partagé par tous les niveaux dans notre pays, assez complexe. Donc aussi les entités fédérées ont travaillé là-dessus. C'est notre cadre, donc le plan stratégique, mais aussi le plan de sécurité de la police, donc le plan d'action pour la police. Mais par exemple, ça signifie que les entités fédérées et le gouvernement fédéral sont d'accord, par exemple, pour mettre la lutte contre la radicalisation comme priorité numéro un. Oui, c'est ça, mais aussi l'environnement, aussi la gestion du trafic. Et donc, on a beaucoup de choses qui sont partagées aux deux niveaux et on s'est pu mettre en accord pour mettre les priorités pour notre politique de sécurité. Donc, je pense que ça, c'est important que toutes les entités de notre pays mettent les nez dans la même direction pour la sécurité de tous nos citoyens. Et sachent dans quel sens agir dans leurs propres compétences. Oui, c'est ça, parce que maintenant, ça doit être accompagné avec des plans d'action. La région bruxelloise va faire sa propre plan d'action, mais aussi les autres zones de police ont maintenant le cadre dans lequel ils peuvent faire leur plan d'action. Une interview de Pierre Magos. Ce matin, les magistrats du Nord et du Sud du pays ont dit leur ras-le-bol, leur inquiétude aussi de ne pas pouvoir rendre la justice comme il se doit, faute de moyens. Les actions ont commencé à 8h45, les audiences ont été reportées d'une demi-heure. Et vous, quelle est votre perception de notre justice? 1032 personnes ont été interrogées pour la RTBF et la Libre Belgique à ce sujet, entre le 31 mai et le 6 juin. Et premier constat, Marc Serleroux, l'image de la justice belge est plutôt négative. En effet, une majorité des personnes sondées ne lui font pas confiance. Le constat est quasiment le même dans les trois régions du pays, et c'est plus marqué chez les personnes plus âgées. Principal reproché de loin, le délai de traitement des dossiers. Dès lors, et c'est assez logique, 68% des personnes sondées estiment que la justice doit bénéficier de plus de moyens. Et c'est en Wallonie que la demande est la plus forte, avec des améliorations attendues principalement dans trois directions. D'abord la lutte contre le terrorisme, ensuite la lutte contre la grande criminalité et la fraude fiscale. Enfin, la grève actuelle dans les prisons wallonnes et bruxelloises a-t-elle joué? En tout cas, une large majorité, 75%, considère que la surpopulation carcérale est un problème important. Et la solution qui est la plus privilégiée est le développement des peines alternatives, comme le bracelet électronique ou les peines d'intérêt général, devant la construction de nouvelles prisons. Les voies sont à présent dégagées à Saint-Georges-sur-Meuse, en région liégeoise. Les derniers wagons du train passager ont été remis sur les rails et évacués. La boîte noire, qui doit permettre de comprendre l'accident qui a coûté la vie à trois personnes dimanche soir, a été envoyée à Malines. Elle va être étudiée à présent par des experts. Les rails sont assez abîmés. Il faudra sans doute encore plusieurs jours avant que la circulation puisse reprendre. 11 personnes, dont 7 policiers, ont été tuées dans un attentat à la voiture piégée. Ce matin, ils visaient la police dans un quartier historique d'Istanbul. Le président turc a attribué l'attentat aux rebelles kurdes. 4 suspects ont été arrêtés ce soir. Hillary Clinton peut désormais en être sûre. Elle remportera l'investiture démocrate. Plusieurs médias américains, en particulier l'agence Associated Press, ont fait les comptes. Avec le soutien affiché de nouveaux super-délégués, elle dispose maintenant de suffisamment de voix. Une annonce que la candidate a prise avec beaucoup de prudence à la veille d'un dernier Super Tuesday, Julien Geffredo. Ben oui, parce que c'est finalement aujourd'hui, en fait cette nuit pour nous, qu'on peut parler d'un jour J. Si Bernie Sanders a déjà perdu la guerre, il peut encore gagner la dernière bataille. Et cette dernière bataille, c'est la Californie. À mesure que sa défaite semble inéluctable, Bernie Sanders se montre de plus en plus combatif, tenace et sans doute du point de vue d'Hillary Clinton, obstiné. Et ça paye. Il y a encore quelques semaines, Hillary Clinton était de loin favorite dans les sondages en Californie, bien devant le sénateur du Vermont. Et bien aujourd'hui, il ne serait plus qu'à 2 points d'écart. Alors, pourquoi Bernie Sanders s'accroche-t-il alors qu'il sait très bien que l'investiture va lui échapper? Bien d'abord parce qu'il lui reste un pouvoir de nuisance contre Hillary Clinton. Si elle perdait dans cet état jeune, le plus peuplé des États-Unis, elle partirait affaiblie dans la course à la Maison-Blanche. Et puis Bernie Sanders incarne la gauche du Parti démocrate et il compte bien, autant qu'il le peut, infléchir le programme du parti. La convention de Philadelphie en juillet prochain pourrait lui offrir une tribune. Combatif jusqu'au bout. Depuis le début de la crise économique, le nombre de familles de chômeurs est en hausse chez nous. Les trois régions du pays sont concernées, mais les chiffres divergent. À Bruxelles, plus d'un enfant sur 4 grandit dans une famille où personne ne travaille. Aucun autre pays européen n'affiche de tel taux. En Wallonie, ce pourcentage s'élève à 18,5%. Dans le nord du pays, cela concerne un enfant sur 15. Ces statistiques publiées par le service de placement flamand sont inquiétantes. Elles indiquent explique également que les enfants qui grandissent dans un tel environnement ont beaucoup de difficultés à sortir de cette situation critique. La pauvreté se transmet-elle d'une génération à l'autre? C'est la question que l'on vous pose demain dans Matin Première et vous pouvez réagir au 02 737 33 33. Vous pouvez envoyer un courriel à matin1@rtbf.be, vous rendre sur la page Facebook de Matin Première et réagir via Twitter avec le hashtag Matin1. Tout juste 17h08, belle fin de journée. Toute l'info est sur rtbf.be. Les gars, à la mi-temps, je vais chez Krefel. Hein. Mais sur krefel.be, ouvert 24h sur 24, livré le lendemain. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Et à cette heure-ci, c'est évidemment presque serré sur la première. Merci Diane, retour dans l'information dans 22 minutes pour Soir Première. La première. 16h-17h30, c'est presque sérieux, avec Walid. Et bien entouré, comme tous les jours de la semaine, pour relater l'actu du jour avec du décalage, avec de l'impertinence, avec du bon mot, avec du lol, avec de la réflexion. C'est le menu de C'est Presque Sérieux durant une heure et demie dans cette dernière ligne droite. Et bien, il vous accompagne. Il y a Vincent Flibussier qui vous contera des histoires dans un instant. Bonjour, bonjour. Vincent. Il y a Edgar Schotz. Bonjour Edgar. Bonjour Walid. Et il y a Catherine Ronvaux. Bonjour Walid. Et il y a Cindy Aizarelli. Bonjour. Qui accorde son petit ukulélé. Oui. Il y a Raoul Reyers. Le Miami Vice de la bande FM. Il y a une petite. Alors, j'ai fait une petite vidéo. Je vais la poster tout à l'heure sur la page Facebook de Raoul Reyers en Miami Vice. Je vous jure, ça vaut son pesant de quelque chose. Vous savez attirer les gens. Ah là, ça. Allez voir tout à l'heure vers 19h hein, sur les réseaux sociaux. Vous verrez la vidéo de Miami Vice. Ça dure pas longtemps. Hein, c'est juste vraiment un petit générique, Raoul. C'est plaisant. Je vous jure. Dire, 45 ans après Miami Vice, ça a morflé quand même. Ce sera avec Raoul Reyers. Et puis, vous le savez, nous avons rendez-vous avec l'histoire, comme tous les jours, avec une question signée Laurent Dehaussé dans le Presque un jour dans l'histoire. C'est presque sérieux. C'est presque sérieux. Sur la première. I have a dream. Je vous ai compris. Presque un jour dans l'histoire. C'est pas Kennedy, ça. Hey, Houston, on a un problème. Demain, jouir sans entrave, l'éducation sexuelle et affective au 19e et 20e siècle, au programme et au menu d'un jour dans l'histoire avec Laurent Dehaussé, c'est entre 13h30 et 14h30 sur la première. Une question relative à ce 7 juin que vous propose sans plus attendre notre cher Laurent. Le 7 juin 1929, je deviens l'État dans la ville. Qui suis-je ? Alors, le 7 juin 1929. New York. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? On n'était pas nés. Le Vatican. Le Vatican, vous dites. Mm-hmm. Ah bah oui. Eh oui, effectivement. Les accords de Latran. Eh oui, le 7 juin 1929, la ratification des accords du Latran qui matérialise la naissance de l'État de la Cité du Vatican, qui met fin donc à la question romaine survenue en 1870 après la prise de Rome et son annexion par la monarchie italienne, qui réduisent donc la souveraineté temporelle du pape au seul État de la Cité du Vatican. Le pape qui devient ainsi souverain du plus petit État du monde, soit 44 hectares. Particularité du Vatican avec sa fête nationale. À votre avis, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette fête nationale? Elle tombe le jour d'une fête chrétienne. Non, absolument pas. Elle a une vraie particularité, contrairement aux autres fêtes nationales. Ils ne font pas de feux d'artifice. Il n'y a pas de défilé militaire. Pas ça. Est-ce que c'est dans l'hymne ou dans la tradition? Non. Elle n'est pas fixe. En fait, elle est basée sur le calendrier religieux. Non, elle célèbre l'anniversaire de la messe d'inauguration du pape. À chaque nouveau pape, il y a donc une nouvelle fête nationale. Ah ouais. Donc elle change systématiquement. Elle est actuellement célébrée le 19 mars, car la messe d'inauguration du pape François eut lieu le 19 mars. Donc chaque année, le 19 mars, jusqu'à ce qu'il meure, ce qui est qu'un an prochain, bien, c'est la fête nationale qui détermine donc l'inauguration du pape. Oui, Raoul. Toujours une bonne occasion pour faire une fête au Vatican. Ah ouais. Vous savez qu'ils ont même une équipe de football. Oui. Au Vatican, composé de gardes suisses et de fonctionnaires qui travaillent. Et le sélectionneur Giovanni Trapattoni, c'est lui qui s'occupe de l'équipe. Après le ballon sous tenne. C'est un ancien très bon entraîneur. À mon avis, il est très très bien payé là-bas. Hein. Et vous savez comment s'appelle la ligue de football au Vatican? La Clericus Cup. Je vous promets. C'est mieux que la Croquis Cup. Ah, mais je suis d'accord. Ouais. Ouais. On aurait pu appeler ça l'Hostie Cup. C'est sympa ça, l'Hostie Cup. Vous dites que le territoire du Vatican, c'est 44 hectares. 44 hectares. C'est même pas le jardin de l'Albert Frère. Non, ben voilà. Ben voilà. En tout cas, un des États les plus souverains, les plus riches du monde, le Vatican. C'est aujourd'hui donc, et c'est la raison pour laquelle nous en parlions dans ce Presque un jour dans l'histoire. Les histoires justement de Vincent Flibustier, elles arrivent juste après le Pendant ce temps-là du jour. Et pendant ce temps-là. C'est presque sérieux. Et pendant ce temps-là, grève des magistrats. Ah ben ça tombe bien, les Diables Rouges manquent d'une bonne défense justement. Et pendant ce temps-là, David Guetta est encore accusé de plagiat pour son dernier titre. Et pour sa défense, il aurait déclaré, mais pour être accusé de plagiat, il faut d'abord faire de la musique. Et pendant ce temps-là, inondation aux quatre coins du royaume, après les nuits debout. Les coulées debout. Et pendant ce temps-là, Silvio Berlusconi, hospitalisé pour des problèmes cardiaques. Ah ben ça, c'est étonnant, tiens, pour quelqu'un qui n'a pas de cœur. Et pendant ce temps-là, des nouvelles de l'homme qui vendait des parapluies, Raoul. Eh bien oui, aux dernières nouvelles, il aurait renfloué la dette de l'État. Bonjour, messieurs Vincent. Ah, ça va tomber encore. Hein. Donc prudence si vous êtes sur la route. En attendant, Vincent Flibustier, il y a deux histoires que vous nous proposez aujourd'hui. L'une d'entre elles, comme à chaque fois, est vraie. La question, c'est de savoir laquelle. Ben oui, le soleil est de retour. Alors, parlons soleil. Enfin, j'ai écrit ces histoires ce matin, donc on va faire comme s'il y avait toujours du soleil. Ouais. Vous le savez, les Asiatiques ont un peu peur du soleil, en tout cas n'aiment pas trop le bronzage. On connaît depuis 10 ans un boom de la vente des face skinny. Vous voyez, ces masques maillots pour éviter de bronzer. Et le gouvernement chinois a été plus loin, puisque depuis 2016, il faut payer une taxe pour aller à la plage sans face skinny, l'équivalent de 20 euros par jour et par personne. C'est donc le seul pays au monde à faire une taxe sur le soleil, vu qu'il faut payer pour en profiter sur son visage. Du coup, la plupart des touristes achètent un face skinny pour ne pas payer la taxe. Et on imagine bien que le fait que la société leader du marché du face skinny appartient au cousin du président n'a rien à voir du tout. Ah, le face skinny, cette taxe sur le soleil, est-ce l'histoire vraie du jour? Écoutons attentivement la seconde. Eh bien, parlons lunettes de soleil, puisque les premières traces de lunettes de soleil viennent du XIIe siècle en Chine. Et à l'époque, elles n'étaient pas utilisées pour le soleil, mais pour les juges, afin de cacher leur expression du visage. On pensait que c'était plus impartial pour tout le monde. C'est aussi utilisé aujourd'hui en dehors du soleil par des gens qui ont des vilains yeux comme Karl Lagerfeld, Maître Gims ou Paul Naref. Mais au 19e siècle, les lunettes de soleil avaient une mauvaise réputation puisque la plupart des gens qui les portaient étaient les gens atteints de syphilis, la maladie ayant comme symptôme la sensibilité à la lumière. La syphilis ayant aussi comme symptôme la décomposition du nez. Du coup, on voyait beaucoup de gens avec des lunettes de soleil et un faux nez, un peu comme les trucs de farce et attrape par son gros chômars. On savait rigoler avec la syphilis au 19e. Alors, le face skinny, la taxe sur le soleil, ou ces lunettes de soleil qui trouvent donc leur origine en Chine, c'est bien ça, Vincent Flibustier? Tout à fait, ouais. Et qui ont été ensuite utilisées pour la syphilis. Les fameuses Ray-Ban. J'avais promis. Je vais noter dans mon carnet les histoires sur la Chine. Ils sont bannis en Chine de cette émission. C'est fini, c'est fini. Alors, deux histoires, l'une d'entre elles est vraie. Laquelle? Le face skinny ou le... À votre avis? Moi, j'aime bien l'histoire de Fauné. Les Fauné, la seconde histoire, les lunettes de soleil, Raoul Reyers. Le face skinny. Le face skinny. Ouais. Catherine Renvaux. Le 19e. Deuxième histoire. Oui, idem. Edgar Schoetz, la seconde histoire. Roulement de tambour pour découvrir à 17h, presque 16 minutes, l'histoire vraie du jour. Roulement de tambour donc. Première ou seconde histoire? Et oui, ce sont bien les lunettes de soleil et les faux nez portés par des porteurs de la syphilis au 19e, et ça faisait des ravages jusqu'à ce qu'on découvre la pénicilline en 1928. À noter, très rigolo, j'ai vu ça tout à l'heure, que la syphilis avait beaucoup de noms, notamment la grande vérole, à ne pas confondre avec la petite vérole qui est... la variole. Ouais. Mais plus rigolo, la syphilis a toujours été surnommée différemment dans chaque pays pour mettre la faute sur un autre. En France, on appelait ça le mal de Naples ou le mal espagnol. Les Napolitains et les Anglais, eux, parlaient du mal français. En Allemagne, on appelait ça le fléau français. Les Russes disaient le mal... polonais. Les Polonais et les Perses, la maladie turque. Les Turcs, le mal chrétien. Les Tahitiens, le mal anglais. En Inde, la maladie portugaise. Et au Japon, la grippe chinoise. Donc ils envoyaient complètement la balle de partout sur tous les pays qu'ils n'aimaient pas, en fait. Ah, excellent. Tout simplement. Ah ben voilà, on en apprend des choses. À 17h et presque 17 minutes, on va marquer une pause, faire un point sur vos conditions de circulation et revenir avec l'actualité. Ce sera une chronique signée Cindy Aizarelli. On parlera du blues de Chris Peters en musique, s'il vous plaît. Nous enchaînerons avec un interlude musical. C'est presque sérieux sur la première. À l'euro, les diables y vont pour gagner. Pour vous, il suffit de venir chez Intermarché. Profitez de nos centaines d'offres offensives, comme le cabas de fruits de saison contenant 1 kg de pêche, de nectarines, de kiwis, d'oranges et un ananas pour seulement 6,99€. Intermarché, tous unis pour gagner. Ouvert les dimanches et jours fériés. Horaires en magasin. Ah, Eric, je suis en retard. Bon, écoute, désolé, mais le gars, il a pas pu attendre plus longtemps. Hein. Toi qui cherchais un bon commercial. Oh, c'est la galère au bureau. Ma secrétaire est en repos d'accouchement, elle a demandé un congé parental. Et moi, les interruptions de carrière, j'y comprends rien. Mais enfin, la solution, tu l'as. Groupe S, c'est ça ? Évidemment. Les législations en vigueur, les procédures à suivre, tout ça, ils connaissent. J'ai compris. Demain, sans faute. Groupe S est le secrétariat social qui vous écoute, vous conseille et propose des solutions RH pour votre statut d'indépendant et votre entreprise. Groupe S, vous pouvez compter sur nous. Et si vous aviez un webshop, comme celui que Oxfam Magasins du Monde est en train de tester gratuitement pour l'instant? Les Magasins du Monde Oxfam, ce sont 70 magasins, 4000 bénévoles, un large choix de produits 100% équitables. Alimentation bio, bijoux, accessoires de mode, déco, produits de soins, vendus à des prix justes pour les producteurs et les consommateurs. Et maintenant, aussi disponible sur notre webshop. Intéressé? Surfez vite sur cbcpopupwebshop.be. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Avec le La première Etias présente les 15 ans du BSF, du 5 au 14 août, avec Louise Attaque, Overphonic, Grand Georges, Abdelmalik, Saint-Germain, La Grande Sophie et plus de 70 autres artistes. We love music, we love Brussels. Info et tickets, bsf.be, avec la Loterie Nationale. La première présente Lang Lang, le plus extraordinaire pianiste au monde, revient en Belgique. Lang Lang, symbole d'une inspiration pour des millions de fans à travers le monde. Une sonorité unique, la passion musicale dans toute sa splendeur. Lang Lang, le phénomène, dans un récital exceptionnel à Beaux-Arts le 1er novembre. Info, beaux-arts.be. La première, Mobile Info. À 17h19, que se passe-t-il sur nos routes? La réponse tout de suite avec Pierre Collard-Bovy. Eh bien, beaucoup de soucis concernant les orages et la pluie, évidemment, un rapide point. Donc, on a déjà parlé de la commune de Limbourg, Welkenrade, Dizon, Soumagne, Liège, Colonster et La Louvière. Sur le 42 Mons, tourné aux environs de Pérouet. Sur le 42 Liège-Mons, à hauteur de Houdinguigny, Ring de Bruxelles, à hauteur de Drogenbos, R3, à hauteur de Châtelineau, le 19 Valenciennes-Bruxelles, à hauteur de Mons, la N55, Binche-Cherqueline. C'est dire que ça pleut partout. Un accident est signalé sur la petite ceinture de Bruxelles, autour du tunnel Arlois, la bande droite est neutralisée en direction de la basilique de Kugelberg. Un automobiliste signale également un accident sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure de Zaventem. La bande de gauche est neutralisée en direction de Grand Bigard. Sur le ring de Bruxelles, le ring est complètement saturé. 55 minutes supplémentaires pour l'extérieur Grand Bigard au titre, plus 43 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem, plus 37 minutes pour l'extérieur Zaventem, Grand Bigard et partout ailleurs. C'est pratiquement pareil. Donc beaucoup de ralentissement. Vous ralentissez également pour quitter la capitale sur le 40 Verguion entre Gambigard et Ternet. Une voiture sur le toit sur le 1411 Namur-Bruxelles aux environs de Corbet, c'est en direction de Bruxelles. Accident sur la N4 Namur-Arlon aux environs d'Herpan en direction d'Arlon. Accident sur le 1411 Namur-Arlon à hauteur d'Abbé. Il y a des files en direction d'Arlon. Faites le plein d'instants gourmands. Il y a toujours un Picard sur votre route. Les surgelés Picard, chaque jour, a un goût nouveau. Picard.be. Un problème sur la route? Signalez-le au call center RTBF Mobile Info via le numéro gratuit 0800 48 400. La Netherlands Academy présente la métamorphose de l'été. Avant l'été, voici ce qu'Alex vous aurait dit. Je suis élève dans une école de commerce et il faudrait vraiment que je pense à booster mon néerlandais. Peut-être cet été? Après l'été, vous le trouverez métamorphosé. Hé, dat had ik eerder moeten doen. Nederlands spreken geeft me een enorme voldoening. Het is echt niet moeilijk. Netherlands Academy, la porte qui ouvre les portes. Stage intensif de 2 semaines durant tout l'été. Plus d'infos sur nedaka.be. La première jusqu'à 17h30, c'est presque sérieux. Et sur notre page Facebook, eh bien, on vous propose un concours Repos Production pour remporter bien un de ces jeux de société. Il y en a 4 qu'on vous propose, donc il suffit de vous rendre sur la page, de la liker et de laisser un petit commentaire. En attendant, eh bien, intéressons-nous à l'actualité. Oui, car après le temps du job, voici celui du grève. Le pays est bloqué de haut en bas et de gauche à droite. Une situation difficile à vivre pour tous et sans doute aussi pour ceux qui sont à l'origine de la contestation. Cynthia Isarali se glisse donc dans la tête de Chris Peters qui a le blues apparemment. J'ai pas d'amis au ministère. En fait, j'ai pas d'amis tout court. je fais la loi au jour le jour. J'ai un bureau au fond d'une cour où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie coincée entre le ring et le carrefour. Je voyage toujours en VW. J'étais pendu haut et court dans tous les couloirs des prisons. Je peux pas supporter les matons. Pourquoi es-tu ministre? Je suis pas ministre, mais j'en ai l'air. J'ai pas trop le sens de l'humain, ni vraiment celui des affaires. J'ai rien compris et j'en suis fière. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Mais Koun, qu'est-ce que tu voulais faire? J'aurais voulu être un gréviste pour pouvoir faire des calicots, bloquer les avions sur les pistes, lancer des mouvements syndicaux. Pour pouvoir crier qui je suis, j'aurais voulu être ouvrier, être utile une fois dans ma vie, être utile une fois dans ma vie, j'aurais voulu être cheminot. Changer de panneau et pour pouvoir me trouver beau dans mon beau parc en couleur, dans mon beau parc en couleur, j'aurais voulu être un gréviste pour quitter ce gouvernement. Et contrairement à maintenant, pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Le blues de Chris Peters, ouais. Revu et corrigé par Cynthia Isarli avec une petite intervention de Vincent Flibustier qui à un moment donné pousse de la voix. Ça va Vincent? Mais oui, j'étais en train de demander si c'était Chris Peters ou Koun Gaines. C'est un peu les deux, on peut dire les deux. Moi j'ai Chris le Peters. Blues général. Moi j'ai Chris Peters, donc je ne fais que... C'est un blues général de toute façon. C'est un blues général, c'est en fait, tous pleurer. Mais c'est beau ça, j'aurais voulu être un gréviste. Ah, c'est oui, beau ça, c'est un bel hymne. J'attends de voir un petit peu si un jour il pourrait chanter, c'est un politicien. J'aurais voulu être un gréviste. Je crois qu'ils ont tellement marre que... Ils pourraient le chanter. Ils pourraient vouloir avoir chanter, envie d'être chanter. Le à 17h25, eh bien, si on passait au presque mot de la fin. Hein, ouais. Cette conversation est terminée. Est terminée. Un mot pour résumer l'actualité du jour, en tout cas une info que vous avez retenue pour nos auditeurs, Raoul Reyers. Plutôt un Philippe. Ah. Je vous donne un titre. La Ferrari contrefaite était une Toyota de 1920. Et ça vient de Suisse. Ce sont les fourbes, les Suisses. Hein. Et donc ils tripotent des vieilles Toyota. Ils refont des carrosseries en polyester au-dessus. Ouais. De loin, on dirait une Ferrari. Et c'est destiné à la Macédoine. Et l'acheteur était Gilbert Montagnier. Oui, parce que c'est en polyester. Ou ils refont une vraie carrosserie en dur. En dur, entendons-nous. C'est du plein, enfin, de la résine, du plastique. On ne sait pas très bien en quoi. Mais ça ressemble, ça ressemble, ah, sauf le bruit. Faites bien la poule. Cynthia Isarli, presque au mot de la fin pour vous. Oh, moi je dirais arnaque, même si ADN ou crachat ça fonctionnait aussi. C'est une vidéo qui tourne beaucoup sur Facebook pour le moment. C'est un petit film où on voit des gens se proposer de faire un test ADN en crachant dans un tube et on leur montre toutes leurs multiples origines pour montrer que voilà, le racisme ne sert à rien, nous sommes tous une grande famille, nous sommes tous cousins. Et puis en fait, je me rends compte que tout le monde partage ça comme si c'était une vidéo de sensibilisation. Et quand on tape l'adresse qui apparaît en fin de vidéo, en fait c'est bêtement une pub pour une agence de voyage. Ah oui. Donc recoupez vos sources, les gars, s'il vous plaît. Ouais. Mais bon, oui, le message est joli, mais ça reste de la pub. Quoi. On va parler du presque mot de la fin avec Catherine Ronvaux. Gironde. Ah bon? Oui, moi j'ai envie de voir le camp de Vous avez envie de partir en vacances. Donc. Oui. Je voudrais voir le prix de location d'une maison en Gironde. Ouais, bah écoutez, ce sera le 13 juin prochain. On verra un petit peu. Edgar Schott, presque au mot de la fin. Moi, c'est pluie, parce qu'on pourrait croire que la pluie qui s'abat sur Eyers depuis 3 minutes est liée aux deux strophes qu'a chanté Vincent Flibustier, mais elle a commencé juste avant. Merci Vincent. Et Vincent, justement, Vincent. Merci. Moi, c'est SOS, puisque j'ai découvert tout récemment l'association SOS Méditerranée ils font des canots de sauvetage, ils ont un bateau qu'ils ont racheté, ils vont sauver les gens en Méditerranée. Donc voilà, vous pouvez faire un petit don, ça coûte pas très cher. Genre pour 30 euros, on a déjà une heure de sauvetage payée en mer. Donc, et pour 100 euros. Super. Une journée complète avec les gilets de sauvetage, etc. Donc c'est vraiment pas mal du tout. C'est SOS Méditerranée, ça se trouve facilement. Ah bon, on peut mettre ça sur la page Facebook, on va le mettre sans problème. Merci à Vincent Flibustier, merci à Edgar Schott, merci Catherine Rovo, merci Cynthia Isarelli. Au revoir. Merci mon petit My Vice. Merci Walid. Avec plaisir. Ouais, d'ailleurs, je vous rappelle, je mets la vidéo dans très peu de temps. Raoul Reyer s'en met à Miami Vice. Il faudrait relancer le concours de chemise. Ah oui, c'est lancé. Il faut pas le lancer avec les deux là. Regardez Raoul Reyer, pas de problème. Bon, on se retrouve nous demain, même endroit, même heure, 16h, 17h30 pour une nouvelle fois relater l'actualité du jour de manière impertinente, décalée. De beaux esprits qui vous accompagneront en ce milieu de semaine. Oui, déjà mardi, demain mercredi. Et dans la suite, c'est Pierre-Yves Meugens qui vous informe sérieusement cette fois-ci sur la première pour Soir Première. Où vous soyez. Eh bien, soyez prudents. Et il pleut. On en revient d'ailleurs. On en reparle dans Soir Première. À demain 16h. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure, à 20h. Le monde est un village. Ce soir, nous allons ouvrir quelques disques récemment arrivés dans la discothèque du Monde est un village. Il sera question notamment d'un quintet suisse, Sassa, un album Romano Casani. Il y aura aussi la musique très subtile du guitariste Jelly Madi. Tunkara, vous allez voir, ça dépayse au maximum. A tout à l'heure, 20h. Le Monde est un village. De 20h à 21h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovieux. L'administration salariale de mon entreprise, ce n'est pas mon problème. Les formations, l'absentéisme, désolé, je n'ai pas le temps. Moi, mon souci, c'est de trouver de nouveaux clients, dénicher des opportunités commerciales ou... Vas-y, Tomati ! Suivre mon fils. Et pour le reste, je fais confiance à Securex. Securex, c'est plus de 1500 experts en gestion du personnel, du recrutement à l'administration, du bien-être à la sécurité. Securex. Chacun son métier. Chez Decathlon et sur decathlon.be, les tentes Quechua se montent et se démontent en deux temps trois mouvements. Idéal pour tous ceux qui sont du genre... Oh les gars, on voit plus rien là, faut qu'on se pose. Mais aussi